De culture, dos. Nous parlons de culture, trois significations pour nous différencier. D'un doute entre elles, son abîme et d'antonyme. La troisième est intemporelle. Dans une signification, essayons de ne pas être non grammaticaux. Dépréciant au minimum l'expression de la misère. Qui est ponctuel dans les formes, les thèmes et l'espace. Il y aura ceux qui profiteront des allégories, tandis que nous tracerons via l'essence et le contexte. Profitons de la littération des mots pour générer des sens sans pour autant provoquer des convulsions. Essayons de bons graphèmes caractéristiques et uniques. Les allusions allégoriques restées et sont à l'étude de ceux que vous lisez et que vous écoutez. Cherchez en partie l'ambiguïté morphologique à différencier dans les abysses et en partie vos discours pour que les orgues générent leurs propres critères. Nous adoptons l'ambiguïté morphologique et laissez ces syntactiques inertes. En différenciant de l'abysse, faisons de l'amplification une véritable métabole. Nous parlons de culture, trois significations pour nous différencier. Tant d'entre elles sont abîmes et d'antonymes. La troisième est intemporelle. Dans les une signification, essayons de ne pas être non grammaticaux. Dépréciant au minimum l'expression de la misère. Qui est ponctuel dans les formes, les thèmes et l'espace. Jules, les caves.